bon missionnaire. L'abbé Beaupiton, professeur au séminaire des missions étrangères et meuble zélateur de l'œuvre du rachat des âmes, désirait vivement aller lui-même propager la foi chez les peuplades inconnues. Ses conversations de chinois et de sauvages devaient, c'était là son rêve, lui valoir un jour un bel évêché. En voyant en Océanie, il débute par une île encore inexplorée, l'île de Cacao Li, habitée par la terrible tribu des Nez Percés. Il prêche le Christ aux sauvages, mais ceux-ci, n'appréciant le missionnaire qu'au point de vue du beefsteak, brandissent leur massue et s'emparent de l'abbé à titre de provision. La perspective de la broche n'ayant rien d'agréable, l'abbé Beaupiton s'efforce de divertir ses geôliers afin de retarder le plus possible le moment fatal. Un chahut émérite, souvenir de sa jeunesse d'étudiant, exécuté devant la reine Gratte-Nombril, lui gagne le cœur de cette princesse et lui vaut sa grâce. La passion de la reine pour le chahut est telle que Beaupiton, épousé solennellement, devient roi des Nez Percés. Il se fait tatouer, suile le corps et, à la tête de son peuple, il administre une raclée formidable aux têtes de pioche qui se permettaient des incursions sur le territoire de Cacao Li. Après la victoire, le triomphateur Beaupiton, couvert des dépouilles des ennemis, est invité par sa gracieuse épouse et souveraine à manger une côtelette de nègre. Vers la fin du repas, la belle Gratte-Nombril lui dit « Eh bien, grand Nigaud, toi qui ne voulais pas y goûter, tu vois bien que c'est fameux !» Beaupiton, toujours curé quoique roi sauvage, ne tarde pas à avoir une révélation. Il écrit à l'œuvre du rachat des âmes, et la conséquence de sa lettre est que deux jeunes séminaristes, accompagnés des bénédictions de leur vieux supérieur, prennent le prochain bateau pour se rendre à Kaoli. Les deux jeunes abbés débarquent sur le rivage de l'île océanienne et sont accueillis avec effusion par leur vénéré collègue Beaupiton, qui, vu la circonstance, a revêtu sa soutane des anciens jours. « Soyez les bienvenus, leur dit-il. J'ai une politesse à rendre à la reine. Chers amis, vous arrivez bien à propos. » En effet, le bon missionnaire, reprenant son rôle de roi anthropophage, fait constater à la charmante Gratte-Nombril, son épouse, la différence qui existe entre le beefsteak de visage pâle et le beefsteak de nègre. Les deux souverains décident donc qu'il y a lieu de s'approvisionner désormais de beefsteak blanc. On lit, dans les annales de la propagation de la foi, journal des vieilles dévotes sensibles, « La mission fondée en Océanie par l'abbé Beaupiton est en pleine prospérité. Tous les jours, l'œuvre du rachat des âmes expédie à Cacao Li, les jeunes séminaristes qui ont peine à suffire à la prédication et sont très goûtés des naturels du pays. »